Chapitre 2. Quelques mois plus tard, je me retrouvais en Europe. Il y avait environ 3 ans que j'habitais Paris, lorsque, vers le milieu du mois d'octobre, je quittais cette ville pour aller à la rencontre de ma sœur et de mon beau-frère. En arrivant au Havre, j'appris que le paquebot qui les portait avait déjà débarqué ses passagers. Je me dirigeai tout droit vers l'hôtel que les voyageurs m'avaient indiqué. Ma sœur, fatiguée par une mauvaise traversée, ne demandait qu'à se reposer et me renvoya au bout de 5 minutes. Il fut convenu que nous ne repartirions que le lendemain. Mon beau-frère, un peu inquiet, voulait rester auprès de sa femme, mais elle insista pour qu'il allât faire un tour avec moi, afin de s'habituer à marcher sur la terre ferme. C'était une belle et chaude matinée d'automne, et notre flânerie à travers la cité affairée fut pour nous une distraction agréable. Après avoir parcouru les quais bruyants et ensoleillés, nous démouchâmes dans une rue large et animée dont un seul côté était pleinement éclairé. Une rue de province qui ressemblait à une vieille aquarelle, grande maison grise à toit incliné, à nombreux étages, à pignons rouges, à volets verts, à enseignes multicolores, avec des fleurs à chaque balcon et des servantes en bonnet blanc aux portes. Nous marchions à l'ombre, regardant le tableau qui se déroulait sur le côté opposé. Tout à coup, mon compagnon cessa d'avancer et me serra le bras. Je suivis la direction de son regard, et je vis qu'il s'était arrêté à peu de distance d'un café où on avait déjà disposé des tables et des chaises en fonte sous une tenture qui abritait le trottoir. Derrière cette installation en plein vent, les fenêtres grandes ouvertes du café et une douzaine d'arbustes plantés dans des baquets. Pour rendre l'endroit plus attrayant, on venait de répandre sur les dalles une couche de sable jaune. C'était un café aux allures paisibles que devaient patronner les petits commerçants de la ville. À l'intérieur, plongée dans une obscurité relative, une jeune personne coiffée d'un bonnet à ruban rose tournait le dos à un vaste miroir et souriait à un consommateur invisible. Ces détails ne me frappèrent pas tout d'abord. La première chose qui attira mon attention fut une dame qui se tenait assise, seule, devant une des tables extérieures. C'était elle que mon beau-frère regardait. Penchée en arrière sur son siège, elle semblait s'abandonner à une rêverie. En tout cas, elle oubliait le plateau posé devant elle et ne dirigeait pas ses yeux de notre côté. Je l'apercevais tout au plus de profil, néanmoins je me rappelais l'avoir déjà vue. « La petite dame du paquebot !» s'écria mon beau-frère. « Elle était à bord de votre steamer ? » demandai-je. On ne rencontrait qu'elle sur le pont. Elle s'y promenait du matin au soir, ou bien elle se tenait assise à la proue du navire, les mains sur le plat-bord, les yeux tournés vers l'Orient. « Vous allez lui parler ? » ?»« Je ne la connais pas. » Nous n'avons pas échangé 2 mots pendant la traversée. J'étais trop mal à l'aise pour avoir envie de causer avec qui que ce fût. Mais je l'ai remarqué, et je ne sais trop pourquoi elle m'intéressait. C'est une chère petite Yankee. Je m'imagine que ce doit être une maîtresse d'école qui prend ses vacances et à qui ses élèves ont offert une bourse pour payer ses frais de voyage. Au même instant, celle dont nous nous occupions se retourna pour regarder les maisons situées en face d'elle. « Je vais lui parler, si vous ne lui parlez pas, » dis-je à mon compagnon. « À votre place, je m'en garderai bien. Elle est très timide. Soyez sans crainte, je la connais. J'ai passé une soirée à lui montrer des photographies. » Je traversai la rue et je m'approchai du café. La dame se retourna tout à fait. Je ne me trompais pas, c'était Miss Spencer. Elle ne me reconnut pas au premier abord et sembla effrayée. Je poussai une chaise près de la table et je m'assis. « Eh bien, lui dis-je, j'espère que vous n'êtes pas déjà désillusionné. » Elle me regarda d'un air surpris et rougit un peu, puis un léger tressaillement m'annonça qu'elle me reconnaissait à son tour. « C'est vous qui m'avez montré les photographies chez Madame Jones. »« Oui, c'est moi. » »« Je me félicite de cette rencontre, car il m'appartenait de vous souhaiter la bienvenue après l'éloge que je vous ai fait de l'Europe. »« Vous ne m'en avez pas trop dit. Je suis si heureuse, » répliqua-t-elle. En effet, elle paraissait très heureuse. Elle ne me semblait pas avoir vieilli. Elle était aussi paisiblement jolie que lors de notre première rencontre. 3 ans auparavant, j'aurais pu la comparer à une petite fleur puritaine aux couleurs peu voyantes. On comprendra sans peine que dans les circonstances actuelles, je ne pouvais songer à chercher une comparaison moins délicate. À côté d'elle, un vieux monsieur vidait un verre d'absinthe. Derrière elle, la dame de comptoir criait « Alcibiade, Alcibiade !» à un garçon de café en tablier blanc. Le charmant contraste. J'expliquai à Miss Spencer que mon beau-frère avait été son compagnon de voyage et je le présentai. Elle le salua comme si elle le voyait pour la première fois. Elle ne l'avait évidemment pas remarqué, et elle ne tenta même pas de s'excuser. Je restai auprès d'elle devant la porte du café, tandis que mon beau-frère allait rejoindre sa femme. Je dis à Miss Spencer que notre rencontre, à l'heure même de son débarquement, avait quelque chose d'étrange, et que je m'estimais heureux de me trouver là, à point nommé, pour recevoir ses premières impressions. Il me serait difficile de me rendre compte à moi-même de ce que j'éprouve, répliqua-t-elle. Il me semble que je rêve. Je crois vraiment que le café m'a monté à la tête. Je n'en ai jamais bu d'aussi bon. Il y a près d'une heure que je suis assise ici, et je n'ai pas envie de bouger. Tout est si pittoresque. En vérité, Miss Spencer, vous avez tort de vous laisser ravir à ce point par cette pauvre ville du Havre, si prosaïque. Il ne vous restera plus d'enthousiasme à dépenser. Rappelez-vous tous les beaux endroits, toutes les belles choses qui vous attendent. Rappelez-vous l'Italie. Je ne crains pas de me trouver à court d'admiration, répondit-elle gaiement. Je pourrais rester ici toute une journée en me disant « Me voici enfin en Europe. C'est si sombre, si vieux, si différent. Ce qui m'étonne, moi, c'est de vous trouver installé en plein air. N'êtes-vous pas descendu dans un hôtel ?» J'étais à la fois amusé et effrayé par l'innocente effronterie avec laquelle cette jolie petite Américaine s'établissait ainsi devant la porte d'un café, dans un isolement qui devait la faire remarquer. « Mon cousin m'a laissé ici, » répondit-elle. « Vous savez que je vous ai dit que j'avais un cousin en France. Il est venu à ma rencontre ce matin, à l'arrivée du steamer. Il aurait pu s'épargner cette peine, puisqu'il devait vous abandonner si tôt. Il ne m'a quitté que pour une demi-heure. Il est allé chercher mon argent. Où est votre argent ? Tenez, cela me rend très fier, répondit Miss Spencer avec un petit éclat de rire. Je suis arrivé muni de traites. Et où sont vos traites ? Mon cousin les a. Le ton de cette réponse n'impliquait pas la moindre méfiance, mais elle me donna la chair de poule. Je ne connaissais pas le cousin de Miss Spencer, et les présomptions parlaient en sa faveur par la simple raison qu'il était son cousin. Néanmoins, je ne pus m'empêcher d'être inquiet. En songeant qu'une demi-heure après le débarquement, les fonds de la passagère inexpérimentée se trouvaient entre les mains de ce monsieur. « Doit-il voyager avec vous ? » demandai-je. « Seulement jusqu'à Paris. Il habite Paris, où il est venu pour étudier la peinture. Je lui avais écrit pour lui annoncer mon arrivée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vînt au-devant de moi jusqu'au Havre. Je croyais seulement le trouver à la descente du train à Paris. C'est très bon de sa part, mais il est très bon et il a beaucoup de talent. » Je devins tout à coup fort désireux de faire la connaissance de ce peintre de talent. « Il est allé chez le banquier ? » demandai-je. « Oui, il m'a mené à un hôtel, une vieille auberge si pittoresque, si drôle, avec une galerie en bois autour du premier étage, et une hôtesse si prévenante et si bien mise. Au bout de quelque temps, nous sommes sortis, car je n'avais pas d'argent français. Mais j'étais encore étourdi par le mouvement du navire et j'ai pensé qu'il valait mieux me reposer un peu. Mon cousin a découvert cet endroit. Il est allé seul chez le banquier. Il doit me rejoindre ici. » La supposition pourra paraître fort injuste, vu que rien ne l'autorisait. Mais l'idée me traversa l'esprit que le cousin ne se montrerait plus. Je rapprochai une chaise de celle de Miss Spencer, décidée à attendre le dénouement. Elle était très observatrice, et il y avait quelque chose de touchant dans la curiosité enfantine que lui inspirait le mouvement de la rue, la forme des voitures, les grands chevaux normands, les caniches tondues, la diversité des toilettes et le costume des prêtres, tout cela était nouveau pour elle. « Et lorsque votre cousin reviendra, que comptez-vous faire ? » demandai-je. Elle hésita un instant avant de répondre. « Nous ne savons pas trop. »« Quand partez-vous pour Paris ? » ?»« Si vous prenez le train de 4 heures, j'aurai le plaisir de voyager avec vous. »« Je crains que ce ne soit pas possible. Mon cousin me conseille de passer quelques jours ici. »« Voilà un conseil qui me surprend, » m'écriai-je. « Il ne faut que quelques heures pour voir le Havre. » Pendant une minute ou deux, je ne dis rien de plus. Je cherchais à deviner où le cousin voulait en venir. Je regardais à droite et à gauche, mais je ne vis à l'horizon personne qui ressemblât à un peintre plein d'avenir et doué d'une grande bonté. Enfin, je me permis de rappeler à ma compatriote que les étrangers se dispensent volontiers de faire au Havre une station esthétique. Le Havre est un lieu de transit, rien de plus. Je l'engageai donc à se rendre à Paris par le train de l'après-midi, et à se distraire d'ici là en visitant la forteresse située à l'entrée du port. Je parle de la vieille construction que l'on désignait sous le nom de Tour de François Ier et qui a été démolie depuis. Miss Spencer parut écouter avec un certain intérêt ma description de la tour. Puis sa physionomie prit une expression plus grave, tandis qu'elle répliquait « Je ne puis rien décider encore. Mon cousin a quelque chose de sérieux à me dire. Je l'interrogerai dès qu'il sera de retour. Ensuite, nous irons admirer la forteresse. Je ne suis pas si pressé de voir Paris. Je me donne un congé de 6 mois. » Elle sourit et hocha la tête d'un air résolu. Il me sembla toutefois lire dans son regard qu'elle éprouvait une légère inquiétude. « Soyez franche, » m'écriai-je. « Vous craignez que ce malencontreux cousin ne vous rapporte une mauvaise nouvelle ?»« Eh bien, franchement, je soupçonne qu'elle ne sera pas bonne. Mais j'espère qu'elle ne sera pas trop mauvaise. Quoi qu'il en soit, j'ai promis de l'écouter. » »« Vous n'êtes pas venu en Europe pour écouter, vous êtes venu pour voir. » Maintenant, j'étais persuadé que le cousin reparaîtrait, puisqu'il avait quelque chose de désagréable à annoncer. Notre entretien continua, et j'interrogeai Miss Spencer sur son plan de voyage. Elle connaissait sur le bout des doigts son itinéraire, dont elle énuméra les étapes avec la précision d'une écolière sûre de son fait, de Paris à Dijon et Avignon, d'Avignon à Marseille, et de là par la corniche à Gênes, à la Spezia, à Pise, à Florence, à Rome. Il n'était jamais venu à l'esprit de la voyageuse qu'il pût y avoir le moindre inconvénient à parcourir ainsi seule la France et l'Italie. Sachant qu'elle n'était pas pourvue d'un compagnon de route, je m'abstins de l'effrayer. Enfin, le cousin se montra. Je le vis déboucher par une rue transversale, et dès que je l'aperçus, je devinai le futur maître américain. Il portait un chapeau de feutre mou et une jaquette de velours d'un noir rouillé, comme j'en ai souvent rencontré à Paris dans la rue Bonaparte. Son col de chemise, amplement rabattu, laissait à découvert un cou qui, à distance, n'avait rien de sculptural. Il était grand et maigre, avec des cheveux rouges et un teint couperosé. Autant qu'il me fut permis d'en juger pendant qu'il se rapprochait du café sous l'abri de sa coiffure à large bord, il me contemplait de son côté avec une surprise assez naturelle. Lorsqu'il nous eut rejoints, je déclinai mon nom et ma qualité d'ancienne connaissance de Miss Spencer. Ses petits yeux gris se fixèrent sur moi d'un air scrutateur, puis il m'adressa un salut à la Don César de Bazan en retirant son sombrero. « Vous n'étiez pas à bord du steamer ?» me dit-il. « Non, je n'étais pas à bord. Il y a 3 ans que je suis en Europe. » Il remit sa coiffure et m'invita du geste à me rasseoir. Je m'assis, mais seulement afin de l'étudier pendant quelques minutes. Il fallait songer à rejoindre ma sœur. Le cousin de Miss Spencer était un drôle de corps. La nature ne l'avait pas destiné à porter avec avantage un costume raphaëlesque ou byronien. Son pourpoint de velours et son cou nu formaient un bizarre contraste avec sa physionomie banale. Ses cheveux coupés ras mettaient en relief ses grandes oreilles mal ajustées. Il affectait d'ailleurs une allure langoureuse qui jurait étrangement avec la vivacité de ses yeux gris. Peut-être étais-je trop disposé à porter un jugement défavorable, mais son regard me parut faux. Il demeura d'abord silencieux, les deux mains appuyées sur sa canne, regardant tantôt à sa droite, tantôt à sa gauche. Enfin, il leva lentement sa canne avec laquelle il indiqua quelque chose et dit d'une voix traînante « Bel effet de lumière !» Il pencha la tête de côté, les yeux à demi fermés. Je suivis la direction de sa canne. L'objet qu'elle désignait était une loque rouge accrochée à la fenêtre d'une mansarde. « Joli ton !» poursuivit-il, et sans redresser la tête, il tourna vers moi son regard à moitié clos. « Très harmonieux. Ferait bien dans un coin de tableau. »« Je vois que vous avez beaucoup d'œil, » répliquai-je. « Votre cousine me dit que vous étudiez la peinture. » Il continua de me regarder de la même façon. Moi, j'ajoutai d'un ton plein d'urbanité. « Je présume que vous fréquentez l'atelier d'un de nos grands peintres ?» Le regard fixé sur moi, le cou penché, il resta un moment sans répondre. Puis il dit de sa voix traînante « Jérôme, et vous aimez votre art » demandai-je. « Comprenez-vous le français ?»« Cela dépend de la façon dont on le parle. » Ses petits yeux gris s'ouvrirent un peu tandis qu'il murmurait « J'adore la peinture. »« À la bonne heure, je comprends votre français, » lui dis-je. Miss Spencer posa la main sur le bras de son cousin, comme si elle eût été flattée, pour lui, qu'il parvint si aisément à se rendre intelligible dans une autre langue que la sienne. Je me levai afin de prendre congé, et je demandai à ma compatriote où je pourrais la voir à Paris. Où comptait-elle descendre? Elle adressa à son cousin un coup d'œil interrogateur. « Vous connaissez l'Hôtel des Princes ?» me demanda ce dernier. « Je sais du moins où il se trouve. C'est là que je la conduirai. » « Je vous félicite. dis-je à Miss Spencer, on ne saurait mieux choisir. À propos, il se peut que je sois assez heureux pour avoir l'occasion de vous rendre visite avant mon départ. Où logez-vous, au Havre ? Oh, dans une charmante vieille auberge, s'écria Miss Spencer. Et elle a un si drôle de nom, à la belle Normande. Lorsque je l'ai quittée, le cousin m'honora d'un grand coup de son chapeau pittoresque. Ainsi que je le craignais, ma sœur ne se sentait pas suffisamment remise pour partir par le train de l'après-midi. Vers l'heure du crépuscule, je fus donc libre d'aller à la recherche de la belle Normande. Je dois l'avouer, je m'étais évertué durant l'intervalle à deviner quelle nouvelle le cousin de la petite institutrice avait eu à lui communiquer. La modeste auberge placée sous le patronage de la belle Normande s'élevait dans un quartier peu central, et je reconnus avec satisfaction que Miss Spencer ne pouvait pas se plaindre de l'absence de couleur locale. La cour où je pénétrais manquait de cette symétrie calculée qui déplaît à beaucoup de peintres. On y voyait un escalier en plein air qui conduisait aux chambres à coucher, une fontaine ornée d'une statuette en plâtre, un marmiton en toque et en veste blanche qui récurait une casserole à la porte de la cuisine, et une hôtesse à corte qui dressait artistement, sur une assiette rose, une pyramide d'abricots et de raisins. Je jetai les yeux autour de moi et sur un banc adossé au mur, tout près d'une porte ouverte au-dessus de laquelle on lisait « restaurant », j'aperçus Caroline Spencer. À peine l'eus-je regardé que je vis que sa gaieté s'était envolée depuis le matin. La tête appuyée contre le banc, les mains croisées sur les genoux, elle contemplait l'hôtesse qui se trouvait à l'autre extrémité de la cour, manipulant ses abricots. Mais l'air distrait de la voyageuse me prouva qu'elle ne songeait pas aux abricots, et dès que je me fus approché, je devinai qu'elle avait pleuré. Je m'assis à côté d'elle sur le banc sans qu'elle me vît. Puis, lorsque j'eus attiré son attention, elle se retourna, et au lieu de paraître surprise, m'accueillit avec un sourire attristé. Elle était complètement changée. « Que vous est-il arrivé? Vous avez un grand chagrin ?» lui dis-je. Elle ne répondit pas tout de suite, et je crus qu'elle craignait de parler de peur que ses larmes ne se remissent à couler. Bientôt je m'aperçus que depuis notre dernière entrevue, elle avait épuisé sa provision de larmes, et que je la trouvais résignée. « Mon pauvre cousin est dans un terrible embarras, » dit-elle enfin. « Oui, sa nouvelle était mauvaise. Il avait grand besoin d'argent, » ajouta-t-elle après avoir encore hésité un instant. « Cela signifie qu'il voulait le vôtre ? Il a besoin de tout l'argent qu'il peut se procurer honnêtement. Il n'y avait que le mien. Et il vous l'a pris ?» Elle hésita encore une fois. Jamais plaidoirie ne fut plus éloquente que le regard qu'elle me lança pendant ces 2 minutes de silence. « Je lui ai donné tout ce que j'avais, » dit-elle ensuite. Je ne sais pas au juste si les anges parlent, mais je me figure que leur intonation doit ressembler à celle de Miss Spencer lorsqu'elle prononça ces dernières paroles. Je me sentis tout à coup aussi indigné que si je venais de recevoir un soufflet. « Bonté du ciel !» m'écriai-je en me levant. « Je suis votre ami. Il me semble que vous avez besoin d'un ami pour vous défendre. Voyons, quel est ce terrible embarras qui tourmente votre cousin ? Il a des dettes. Cela ne m'étonne pas. Mais à quel titre veut-il les faire payer par vous ? Il m'a raconté son histoire et je le plains beaucoup. Moi aussi je le plains, mais j'espère qu'il vous rendra votre argent. Il me le rendra dès qu'il le pourra. Et quand le pourra-t-il ? Lorsqu'il aura vendu son grand tableau. Le diable emporte son... Pardon, Miss Spencer, où est-il, ce malheureux cousin ? Cette fois, elle hésita plus que jamais avant de répondre. Il dîne. Je me retournai et jetai un coup d'œil dans la salle à manger dont la porte restait ouverte. Là, tout seul, au bout d'une longue table, j'aperçus celui dont les embarras inspiraient tant de compassion à Miss Spencer, l'aimable élève de Jérôme. Il était trop occupé de son dîner pour faire attention à moi, mais, tandis qu'il reposait sur la nappe un verre vide, il dirigea les yeux de mon côté et remarqua mon attitude observatrice. Il s'arrêta dans son repas et me regarda, la tête penchée d'un côté avec ses petits yeux clignotants. Puis ses maigres mâchoires se remirent à fonctionner. Au même instant, l'hôtesse passa près de nous avec son assiette de fruits. « Et cette belle pyramide est pour lui ? » m'écriai-je, et j'éprouvais une telle irritation que je ne pus m'empêcher d'ajouter. « Voyons, trouvez-vous juste que ce grand Flandrin accepte vos fonds ?» Elle détourna les yeux. Je lui faisais évidemment de la peine. La cause était perdue, le grand Flandrin l'avait intéressé. « Excusez-moi si je le traite si peu cérémonieusement, » repris-je, « mais en vérité, vous êtes trop généreuse, et votre cousin manque de délicatesse. Il a contracté des dettes, qu'il les acquitte lui-même. Il a manqué de prévoyance, je l'admets, répliqua Miss Spencer. Il m'a tout dit. Nous avons causé longuement ce matin. Il ne comptait plus que sur moi. Il a signé des billets. Il a eu tort, puisqu'il n'avait pas de quoi faire honneur à sa signature. Mon cousin est lui-même le premier à reconnaître son tort, mais il n'est pas le seul à en souffrir, sa pauvre femme. Ah, il a une pauvre femme. Oui, je n'en savais rien. Je ne l'ai appris qu'aujourd'hui. Il s'est marié il y a 2 ans, secrètement. Secrètement, pourquoi donc? Caroline Spencer regarda autour d'elle, comme si elle eut craint d'être entendue par des oreilles indiscrètes, puis elle ajouta en baissant la voix. C'était une comtesse. En êtes-vous bien sûr? Elle m'a écrit une lettre si touchante. Pour vous demander votre argent? Répliquai-je avec brutalité, avec cynisme, peut-être. Mais la colère m'emportait. Pour me demander ma confiance et ma sympathie, répliqua Miss Spencer d'une voix douce. Son père l'a déshéritée. Mon cousin m'a raconté l'histoire et elle me la raconte à sa façon dans la lettre. Cela ressemble à un vieux roman. Son père s'opposait au mariage et quand il a découvert qu'elle avait désobéi, il l'a cruellement repoussée. Elle appartient à une des plus anciennes familles de la Provence. Je la contemplais et je l'écoutais tout émerveillé. On eût vraiment juré que le roman qui lui donnait pour cousine une comtesse provençale la charmait au point de lui faire oublier ce qu'allait lui coûter l'abandon de son argent. « Ma chère Miss Spencer, lui dis-je, vous ne tenez pas à être ruinée par amour du pittoresque. Je ne serai pas ruinée. Avant peu, je reviendrai. J'irai demeurer avec eux. La comtesse insiste là-dessus. Revenir. Vous retournez donc chez vous ?» Elle se tait un instant, les yeux baissés, puis répliqua d'une voix qui tremblait un peu. « Il ne me reste plus d'argent pour voyager. Vous avez tout donné ?»« J'ai gardé de quoi payer mon passage. » Je laissai échapper une exclamation peu flatteuse pour le cousin de Miss Spencer. Le fortuné possesseur de la précieuse bourse, le mari de la comtesse provençale, venait de sortir de la salle à manger. Il se tint un instant sur le seuil, retira le noyau d'un abricot qu'il avait emporté de la table, mit l'abricot dans sa bouche, et pendant qu'il le dégustait d'un air satisfait, il resta à nous regarder, avec ses longues jambes écartées, les mains dans les poches de son pourpoint de velours. Ma compagne se leva, lançant à son cousin un regard que je saisis au passage et qui impliquait un bizarre mélange de résignation et de fascination, une sorte d'enthousiasme pervers. Si laid, si vulgaire, si prétentieux, si faux que fut le personnage, il n'avait pas en vain fait appel à l'imagination naïvement romanesque de sa cousine. Quant à moi, il m'inspirait un profond dégoût, mais rien ne m'autorisait à intervenir. D'ailleurs, je sentais que mon intervention serait inutile. Le futur grand peintre leva le bras et me désigna l'horizon avec un geste d'admiration circulaire. « Jolie vieille cour, dit-il, école hollandaise, bel effet moelleux dans ses briques, vieil escalier délabré plein de cachets, ensemble rembrandesque. » Décidément, j'étais de trop mauvaise humeur. Sans répondre à ce monsieur, je tendis la main à Caroline Spencer. Elle tourna vers moi son petit visage pâle, ses yeux retrouvèrent un instant leur ancien éclat, et comme elle montra ses jolies dents, je présume qu'elle essaya de sourire. « Ne vous désolez pas pour moi, me dit-elle. Je suis sûr, malgré tout, que je verrai quelque chose de la vieille Europe. » Je lui répondis que je ne lui faisais pas encore mes adieux, que mon départ étant ajourné, j'espérais la revoir le lendemain. Son cousin, qui avait remis son sombrero, le retira pour m'honorer d'un salut théâtral que je m'abstins de lui rendre, et sur ce, je pris congé. Le lendemain matin, je retournai à l'auberge, où je retrouvai dans la cour l'hôtesse beaucoup moins serrée que la veille par son corsage. Je demandai Miss Spencer. « Parti, monsieur, me dit l'aubergiste. Parti hier au soir à 10 heures. Elle a été conduite à bord du paquebot américain par son cousin, qui lui-même a pris ce matin le train de Paris. » Je m'éloignai sans demander d'autres renseignements. La pauvre petite institutrice avait passé environ 13 heures en Europe.